Les cygnes. Sur le lac, voile bleutée, un cygnonnage tôt de duvet. Il ondule, délicat et gracile, loin de l'urbanisme, loin de la ville. Bientôt, il sera un grand cygne blanc, capable de s'envoler en trompetant. C'est non sans peine que l'on trouvera, pâle, une plume douce comme de la percale. On se dira, le cygne s'est envolé. Mais en réalité, le cygne sera tout prêt. Nos rêves sont des cygnes blancs que l'on essaie parfois de garder en les retenant. Mais nul ne peut dompter ces cygnes de duvet. Profitons de la vie, profitons du bon temps. Laissons grandir nos grands cygnes blancs. Lily Bégonia.